Si je me jette au centre du volcan en même temps qu'il entre en éruption, alors mes tissus organiques rentreront en combustion immédiate, mes fluides évaporés, ma chair désintégrée.